Ah, il y a un petit son Super Tramp un peu là. Ah, tu peux me faire du Super Tramp si tu veux aussi, j'aime beaucoup Super Tramp. Essaye un morceau de Super Tramp, celui que tu veux.